Bonjour Yannick, tu peux venir. Bonjour. Donc aujourd'hui, d'habitude, nous sommes en face de vous pour la commission Cameroun Debout. Depuis 2 semaines, on anime cette commission et on a été sollicité par les amis pour essayer de vous expliquer pourquoi déjà nous trouvons à Nuit Debout et aussi vous resituer à peu près la situation sociale, politique et économique du Cameroun. Qui est au Cameroun, je vous ai apporté une petite carte. Le Cameroun, c'est ça. Et pour ceux qui connaissent à peu près l'Afrique, le Cameroun se situe au milieu de l'Afrique, sur la côte atlantique. Avec, bon, je ne me suis pas déjà présenté, je suis Joël Ingo, je suis militant des droits de l'homme. Yannick Moubamba est aussi militant des droits de l'homme. Nous avons eu l'habitude souvent de défendre des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion en Afrique, et particulièrement en Afrique équatoriale française, c'est-à-dire la zone équatoriale qui regroupe le Cameroun, le Congo, le Gabon. Moi, je suis du Gabon et Yannick est du Cameroun et Yannick est du Gabon, par exemple. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement concentrer notre propos sur une situation qui est, on vous en parle souvent pour faire simple. Dans nos pays, l'Afrique centrale est restée ce qu'on appelle le dernier vivier dictatorial en Afrique. Parce qu'ailleurs, on a quand même des avancées au niveau de l'alternance politique, au niveau du changement des révisions constitutionnelles qui font qu'il y a une alternance inévitable qui s'installe en Côte d'Ivoire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y a quand même une alternance. Pour vous donner un ordre d'idée, au Cameroun, nous avons un président depuis 34 ans. Il a aujourd'hui 84 ans. Et il en a fait 34. Et il n'a pas envie de partir. Et grosso modo, pour vous donner une image, on a en apparence des institutions démocratiques, mais quand vous grattez un peu, ce n'est qu'une façade. En fait, c'est de l'autocratie pure. C'est un seul bonhomme qui régente tout et qui a émietté toutes les institutions. Il nomme au Sénat, à l'Assemblée nationale, les députés lui font allégeance, et ce qui est présenté comme des partis politiques d'opposition sont en fait des vassalités du parti unique au pouvoir. Là, j'ai brossé. Et quand on arrive sur des questions de liberté, je veux vous donner une idée toute simple, c'est qu'on a une justice qui est aux ordres. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle chez nous aujourd'hui un tribunal qui est pour moi un tribunal d'exception. C'est le tribunal spécial qui, entre guillemets, dit qu'il s'occupe des gens, des prévaricateurs de la fortune publique. Mais les prévaricateurs de la fortune publique, ce sont en fait ceux qui devraient être des prisonniers politiques. Mais pour se démasquer et pour se donner des apparences de légalité et de virginité internationale, il a masqué l'épuration politique en poursuite des détourneurs de fonds publics. Donc, en fait, tout ce que vous entendez, vous irez sur notre stand, vous verrez des photos, tous ceux qui vous sont présentés comme des détourneurs de fonds sont en fait des prisonniers politiques. Et nous nous insurgeons non seulement pour ça, mais aussi sur un certain nombre de choses sur lesquelles, il faut bien le dire, ce dictateur tient depuis 34 ans grâce à la France. Parce que si la France ne l'avait pas soutenu de manière aussi, je dirais, fidèle, il ne serait plus là. Aucune élection n'a été libre au Cameroun depuis 1982. C'est souvent, il est passé maître en fraude électorale et en reste. Et la situation sanitaire et sociale est tellement dégradée que je vous dirais que il y a eu un scandale il y a 2 mois où une femme qui était à terme voulait accoucher dans une maternité à Douala. Elle arrive à la maternité, elle est à terme, elle doit accoucher. Normalement, le principe veut que l'urgence médicale veut que, quels que soient vos revenus, lorsque vous êtes à terme et que vous vous présentez dans une maternité, on vous prend. Et c'est après qu'on se soucie de savoir si vous pouvez payer ou pas. On l'a mise à la porte et elle avait 2 jumeaux. C'est sur le parvis de la maternité que sa tante a procédé à ce que j'ai appelé, à quelque chose de très macabre, c'est passé dans la télé, à un charcutage en fait. Elle a ouvert le ventre devant tout le monde avec ce que ça représente. Je passe sur les détails. C'est pour vous montrer la cruauté et la bestialité dans laquelle vit l'homme camerounais aujourd'hui. Mais le problème, c'est que vous verrez, beaucoup ne prennent pas parole, beaucoup ne s'engagent pas, beaucoup n'osent pas s'afficher parce que en permanence, nous sommes sous cette terreur qui veut que, y compris à l'extérieur, ceux qui osent ouvrir ont des difficultés pour leur famille, c'est du chantage permanent. Et je ne vais pas m'appesantir longtemps parce que le Cameroun n'est que le miroir grossissant de ce qui se passe en Afrique centrale. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Yannick de venir intervenir parce que nous nous battons aussi actuellement pour un jeune qui est séquestré, qui a été séquestré, on le dit, séquestré dans le palais présidentiel d'Ali Bongo et il paraîtrait qu'il est mort, un jeune militant des droits de l'homme. Et c'est pourquoi je vais passer la parole à Yannick pour vous sensibiliser dessus. Merci Joël. Donc voilà, je suis Yannick Moubamba, je suis de nationalité gabonaise et donc je suis également membre du comité de libération des prisonniers politiques, voilà, que j'ai co-créé avec Joël qui est le président. Alors pourquoi avons-nous effectivement créé ce comité de libération des prisonniers politiques? Parce que nous estimons que la liberté est une donnée fondamentale pour tout être humain et tout être humain aspire à la liberté. Quelle que soit sa nationalité. Donc, c'est sur la base de ce principe universel que nous nous sommes engagés au péril de nos vies, parce que s'engager pour les droits de l'homme, défendre la liberté dans des potentats, dans des dictatures, n'est toujours pas chose facile. Et donc, nous sommes ici aujourd'hui, moi particulièrement, c'est pour me mobiliser par rapport, disons, au cas de Jeff Blampin. Donc Jeff Blampin, comme le disait Joël, c'est un activiste, c'est un militant des droits de l'homme qui a eu, disons, la mauvaise fortune de tomber entre les mains, disons, des services spéciaux de la présidence gabonaise et qui, malheureusement, selon certains dires, mais ça reste à confirmer, serait aujourd'hui, voilà, mort. Alors le Gabon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit pays d'environ 1 500 000 habitants. Donc voilà, on dit souvent même que Paris est plus peuplé que le Gabon. Et depuis 50 ans, nous avons un chef, bon, enfin une seule famille qui règne en fait à la tête de ce pays aux potentialités économiques énormes, mais qui malheureusement croupit dans une pauvreté extrême, du fait tout simplement de l'accaparement des richesses par une seule famille, par la famille Bongo. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour vraiment tirer la sonnette d'alarme, parce que nous estimons que de toutes les luttes qui ont été menées et qui ont surtout mené à la libération des peuples, c'est sur la base de la fraternité qu'on arrive ensemble à se libérer des chaînes de l'oppression. Et il n'est nullement question pour nous de considérer que c'est parce que nous sommes africains, que c'est parce que nous sommes effectivement originaire ou voilà de pays autres que la France, ou bien qu'étant devenu français par la suite, que nous ne devrions pas nous mêler en fait, nous entremêler, parce que c'est par disons la communauté de lutte en fait, c'est en faisant cause commune autour de ces questions de dictature, autour de ces questions de liberté, autour de ces questions de racisme, autour de ces questions disons, de pauvreté, qu'on peut véritablement montrer un visage plus humain, un visage plus fraternel à ceux qui considèrent véritablement que il y ait une catégorie d'êtres humains qui doivent, selon leur bonne volonté, eh ben, être totalement déshumanisés. Donc, c'est sur cette base-là que nous vous interpellons. Nous savons que vous appartenez certainement à des mouvements déjà. Mais ce que nous essayons de vous transmettre, c'est simplement l'information selon laquelle, au bout du monde, il y a des personnes comme au Cameroun qui sont incarcérées injustement pour avoir détourné des deniers publics, quand on sait que, véritablement, M. Biya, eh ben, stocke l'argent volé du Cameroun dans des comptes en banque en Suisse. C'est connu de tout le monde. Tout comme au Gabon également, on a une seule famille qui règne depuis 50 ans, c'est du jamais vu. Ça fait. Ah bon, là, il va célébrer son jubilé certainement en 2017 si rien n'est fait. En 2016, il y a une élection présidentielle. Le président de la République, en 2009, a présenté un acte de naissance frauduleux, ce qui constituerait véritablement un bon prétexte pour sa destitution. Malheureusement, ce que l'on constate, c'est que il a avec lui les forces armées de défense qui, malheureusement, veulent le pousser à faire un passage en force. On se souvient qu'en 2008, lorsque le président Obama a eu quelques difficultés à convaincre ses concitoyens concernant son américanité, eh ben, il n'a pas fait usage de la force. Au contraire, lorsque des militants du Tea Party se sont levés pour contester effectivement ses origines américaines, eh ben, il a simplement produit un acte de naissance. Et nous, c'est ce que nous demandons effectivement au président de la République gabonaise, c'est qu'il fournisse un acte de naissance. Alors que ce que l'on constate, lors d'une interview prononcée sur les ondes de RFI, c'est la Radio France Internationale, eh ben, le président de la République avait lui-même affirmé que tous les actes de naissance qu'il avait présentés, parce qu'il y en a trois déjà, eh ben, étaient des faux. Donc on voit bien effectivement que ce monsieur, le président Ali Bongo, est en violation flagrante de la constitution gabonaise en son article 10. Donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je ne sais pas s'il y aura des questions, mais je vous remercie. Donc nous vous écoutons et nous sommes à l'écoute de vos questions si vous en avez, sachant que les problèmes du Cameroun et du Gabon, du Congo et des autres sont des problèmes aujourd'hui qui touchent au-delà du continent, parce que c'est vraiment devenu le foyer de l'obscurantisme en Afrique. Je vous invite à vous rapprocher, à vous asseoir pour laisser la place aux gens derrière de pouvoir entendre aussi l'intervention. Est-ce que quelqu'un a une question ? Alors, s'il n'est pas gabonais, il est de quelle nationalité ? Alors, selon en fait les informations qui ont été regroupées par M. Pierre Péan, qui est un journaliste d'investigation de nationalité française, eh ben, M. Ali Bongo serait né au Nigeria. Vous vous souviendrez effectivement de la guerre du Biafra qui a provoqué, l'exil de plusieurs milliers de ressortissants nigérians. Et à cette époque-là, l'aide, bien sûr, de la France, eh ben, il y a des orphelins nigérians qui ont été accueillis au Gabon en grande masse. Et selon toujours M. Pierre Péan, M. Ali Bongo ne figurerait pas, ce sont les dernières informations que nous avons, sur le livret de famille de M. Omar Bongo, en date bien sûr de 1959, date présumée de la naissance de M. Ali Bongo au Congo-Brazzaville, à l'époque bien sûr colonie française de l'Afrique équatoriale française. Donc M. Pierre Péan est un journaliste d'investigation suffisamment sérieux et responsable qui voyage dans le monde entier pour rechercher des sources crédibles pour soutenir ses propos. Donc il serait de nationalité nigériane. Mais nous savons effectivement que M. Ali Bongo, même s'il vient du Nigeria, ce n'est pas ça le problème, puisqu'il a effectivement, occupé des hautes fonctions au niveau du Gabon. Monsieur Ali Bongo est gabonais, par adoption. Mais ce que la constitution gabonaise dit, c'est que, on ne peut devenir président du Gabon qu'après, je crois, deux générations. Donc ça veut dire que Monsieur Ali Bongo, aujourd'hui, est gabonais, on le reconnaît comme tel, mais le fait qu'il ait produit un acte de naissance qui n'était pas conforme, effectivement, à la constitution gabonaise, c'est là où, effectivement, les Gabonais se posent des questions. Parce que si déjà on a un président qui est mal élu, un président un peu comme le disait M. Manuel Valls dernièrement, que M. Ali Bongo aurait été mal élu, mais cela signifie bien déjà que il ne mérite peut-être pas d'être à la tête du Gabon et que d'autres Gabonais plus valeureux, plus en conformité avec la constitution gabonaise, peuvent prétendre à la magistrature suprême. Voilà. Si je peux reprendre sur ce cas, c'est, vous avez là l'expression en fait de l'exacerbation de sociétés qui ne connaissent pas l'alternance. C'est-à-dire que quand vous avez une société, des sociétés complètement bloquées, où il n'y a aucune possibilité d'alternance possible, et que, rendez-vous compte, Ali Bongo du Gabon est arrivé après Omar Bongo, que beaucoup connaissent, hein, qui était le pape de la France-Afrique. C'est lui qui écrémait et qui a d'ailleurs fait démissionner certains ministres, hein, qui voulaient changer en fait la donne en Afrique. Et c'est les exacerbations populaires. Lorsque vous avez un peuple qui est frustré et qui sait très bien que le président que nous avons, nous ne l'avons pas élu, d'autre part, il a, comment dire ça en termes simples, manqué de l'honnêteté, l'objectivité minimale qui est de présenter un acte de naissance en bonne et due forme. Donc, vous avez cette exacerbation qui monte, et au Gabon, ils sont actuellement dans une situation où on ne sait pas comment se déroulera l'élection présidentielle qui est prévue dans quelques mois. Et je voudrais aussi abonder là-dessus pour vous dire qu'au Cameroun, c'est la même chose. Nous sommes aujourd'hui en train de nous battre, et parce que les gens se battent quand même. Au Cameroun, il y a actuellement un mouvement qui est à l'image de ce qui se passe à Nuit Debout ici, mais qui se passe nous, parce que nous n'avons pas le droit de nous regrouper comme ce qu'on se fait ici à République. C'est ce qu'on appelle Vendredi Noir au Cameroun. Pourquoi vendredi noir? Les gens s'habillent tous les vendredis en noir, ce qui est la couleur du deuil dans nos cultures africaines, pour dire simplement, nous sommes en deuil et nous resterons en deuil tant que ce monsieur de 84 ans et sa bande et sa famille continueront de régenter nos vies. Et nous en sommes aujourd'hui dans un pays qui est béni, qui est parsemé de rivières, parsemé de toutes les richesses du monde. Au Cameroun, les gens n'ont pas d'électricité dans des villes comme Yaoundé. Des gens passent des journées entières sans électricité. L'eau, ça devient un bien de luxe aujourd'hui au Cameroun. Pour vous montrer à peu près la régression qui s'opère quand un pays manque de gouvernance, parce que la gouvernance est une gouvernance familiale, et que de surplus, vous avez un diktat totalitaire qui fait qu'on ne l'ouvre plus. Ceux qui l'ouvrent, soit choisissent l'exil, soit essayent de coopérer avec le régime pour jouer à peu près, en fait, lui donner une vitrine de respectabilité auprès des institutions internationales. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, nous sommes toujours disposés à répondre à vos questions. Du coup, est-ce qu'il y a de la répression sur ce genre de mouvement? C'est une répression qui est devenue avant, si ces derniers temps, parce qu'il faut quand même remonter. Il y a eu un mouvement dans les pays africains qu'on a remonté à l'époque, en 1990, le discours de la boule, où la plupart des chefs d'État ont essayé de jouer le jeu. C'est-à-dire qu'ils nous sont passés dans des sociétés dites pluralistes, où vous avez une multitude de partis politiques, vous avez... Donc, juste pendant 10 ans à peu près au Cameroun, jusqu'en 2000 à peu près, on a donné l'impression que les gens pouvaient s'exprimer, pouvaient créer des partis politiques, une société civile émergente pouvait y arriver. Mais ça s'est refermé. Et la répression est devenue féroce et sauvage. Ça veut dire que vous avez aucune possibilité aujourd'hui, quand vous êtes patenté parti d'opposition, non reconnu par le parti unique au pouvoir, à faire ce que nous faisons là, vous vous regroupez, à faire des conférences de presse, y compris dans des domiciles, entre guillemets, dans les sièges de partis politiques, vous n'avez aucune possibilité. Mais le côté terrible, et c'est ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est qu'une dictature qui dure à ce côté, c'est que elle gangrène tout le tissu social et familial, y compris dans les unités familiales. Ça veut dire qu'à chaque moment, vous avez même peur de votre mur. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez peur que quelqu'un, dans votre cercle, plus vous vous restreignez, va à un moment vous livrer, sans que vous ne... Parce que dans la misère qui s'installe, parce qu'une dictature comme celle-là vit aussi de la mendicité qu'elle sécrète dans le tissu social. Ça veut dire que tous ceux qui vont vers elle lui doivent quelque chose. Et c'est devenu très difficile, c'est une répression qui est devenue féroce. On tabasse des opposants politiques, on enferme les prisonniers politiques dont nous vous parlons. Pardon? Les prisonniers politiques dont vous parlons, certains ne sont même pas dans ce qu'on appellerait des prisons. Ils sont détenus dans un lieu qui est, comme je vous dirais, le secrétariat d'État à la Défense au Cameroun, à Yaoundé, a des sous-sols C'est dans ces sous-sols que vous retrouvez un certain nombre de ces prisonniers politiques, dont notamment un dont nous défendions avec Yannick, qui lui avait la chance, il a eu la chance, il faut le dire, d'être franco-camerounais. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Thierry Michel Atangana. Et Thierry Michel Atangana a été détenu au Cameroun pendant 17 ans. Vous aviez tous les présidents français qui allaient au Cameroun, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy n'y a pas été, mais tous les autres y sont allés et faisaient comme si le problème Thierry Michel Atangana n'existait pas. Et il a fallu que nous nous mobilisions avec la SOS raciste pour qu'on fasse germer le problème et que finalement le dictateur du Cameroun prenne un décret de grâce qui en fait ne signifiait rien parce que nous avions déjà porté le problème au niveau des Nations Unies et il y a eu une décision du groupe de travail des Nations Unies sur l'emprisonnement arbitraire. C'est juste pour vous montrer la détermination qu'il faut et parfois le sacrifice qu'il faut sur le plan personnel pour essayer de défendre des causes qui sont comme celle-là. Parce que la singularité en Afrique centrale, c'est que ce ne sont pas des pays pauvres. Ce ne sont pas des pays pauvres. Nous ne sommes pas comme quand on parle. Ça ne veut pas dire que j'ai une quelconque déconsidération à l'égard de mes frères ou amis maliens. Les pays d'Afrique centrale ne sont pas pauvres. C'est-à-dire que quand ils vont même demander des aides, y compris à l'Agence française de développement, c'est aberrant, ce ne sont pas des pays pauvres, ce sont des pays qui sont sur la ceinture du golfe de Guinée. Et c'est le golfe de Guinée qui a les pays producteurs d'Afrique de pétrole. Le Nigeria, le Cameroun qui partagent la même frontière. Donc vous imaginez ce que ces potentats peuvent gérer, peuvent manipuler en masse monétaire. Et c'est pourquoi ils émiettent toutes les structures, y compris jusqu'en France. Hein, parce que vous avez des groupes de communication ici qui travaillent pour eux. Bolloré, par exemple, Havas travaille pour le président du Cameroun, qui est actuellement en train de préparer un projet de présidence anticipée, et c'est Havas qui va s'occuper de la communication, pour vous montrer la puissance financière. Je vous remercie. Justement, je pense que le problème, du coup, c'est pas tellement qu'il n'ait pas fourni un acte de naissance, parce qu'on sait quand même qu'en Afrique centrale, c'est pas forcément facile d'avoir des actes de naissance réels, mais c'est justement le fait qu'il soit au pouvoir depuis très longtemps. Et quelle forme de lutte, du coup, vous avez contre ce système-là, au-delà du fait que vous avez, du coup, cet outil sur son acte de naissance qui est faux, donc ça, c'est un outil. Mais si jamais il démissionne et qu'on en a un autre qui fera la même chose avec un acte de naissance vrai, qu'est-ce que vous avez comme forme de lutte contre ce système qui ne concerne pas que votre pays, mais un ensemble quand même de pays assez large? Donc, un système de lutte, alors, comme vous avez dit, peut-être le vendredi noir, est-ce que vous faites des réunions des référendums citoyens, enfin des réunions citoyennes, surtout l'Afrique est un pays très jeune, avec des potentiels économiques très importants et cette jeunesse. Et du coup, qu'est-ce que vous avez comme forme de lutte pour pouvoir changer cette tendance qui est à 50 ans, où des dictateurs restent au pouvoir pendant très longtemps avec la concupiscence de pays occidentaux? Est-ce que vous avez justement des formes de lutte Alors, pour revenir un peu sur la question de l'acte de naissance, lorsqu'un enfant naît, ou même lorsqu'on adopte un enfant, la plupart du temps, les parents adoptifs s'empressent de régulariser sa situation administrative. Donc, Monsieur Ali Bongo serait arrivé au Gabon aux alentours de 1966. Donc, à cette époque-là, Monsieur Omar Bongo était déjà dans les hautes sphères de la République, et il aurait pu, à ce moment-là, établir un acte de naissance à son fils. Mais de son vivant, il a toujours dit que si son fils devait devenir président, ce serait le peuple qui le choisirait, et non véritablement de son bon vouloir. Alors, nous disons que M. Ali Bongo est gabonais. Ça, c'est une certitude. Il est gabonais. Il a occupé des hautes fonctions dans l'administration gabonaise. Il a représenté le Gabon aux Nations Unies. C'est acté. Mais ce que nous disons par contre, c'est que la question de l'acte de naissance est une question fondamentale qui touche véritablement à l'intégrité d'une nation. Imaginez M. François Hollande sans acte de naissance. Et que malgré tout, il veut faire un passage en force en fait. Mais qu'est-ce que nous, le peuple gabonais, avons-nous? Nous n'avons que la rue. Mais lorsque la rue nous est refusée, lorsque les droits de rassemblement nous sont refusés, lorsque les médias publics nous sont refusés, lorsque l'accès à une éducation de qualité nous est refusé, lorsque l'université frise l'année blanche, que pouvons-nous faire en réalité? Lorsque tout nous est refusé en fait. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans la plupart des pays d'Afrique centrale, eh ben, l'économie est la propriété du président de la République. Ça veut dire que rien ne se fait, rien ne se construit, l'initiative privée est moribonde. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh ben, on ne peut pas faire des affaires sans être véritablement du camp du pouvoir. Et la mobilisation, malheureusement, ne peut pas également se faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque des étudiants se réunissent dans l'enceinte de l'université, eh ben, le pouvoir en place envoie des militaires pour réprimer les étudiants en violation des franchises universitaires. Imaginez-vous un peu qu'en France, eh ben, à l'université de la Sorbonne, à Paris 1 ou à Paris 8, lorsque des étudiants revendiquent leur bourse d'études, ce qui est un droit, eh ben, on envoie les militaires mater les étudiants. Lorsque des lycéens se réunissent pour revendiquer également, parce que au Gabon particulièrement, on obtient la bourse effectivement à partir de la sixième. Donc imaginez-vous un seul instant que des étudiants se lèvent pour disons, réclamer leur bourse en fait. Le pouvoir envoie des militaires également réprimés, des lycéens. Donc aujourd'hui, ce qui se passe malheureusement, c'est que la citoyenneté eh ben, est inexistante dans nos pays. Donc la mobilisation ne peut pas se faire, mais ce que nous espérons effectivement, et là du côté de la France, il y a beaucoup de choses qui sont admirables et qui se font, beaucoup de choses sont en train d'évoluer. D'abord, les propos de M. Manuel Valls ont fait l'objet d'un tollé au Gabon, lorsqu'il a dit que M. Ali Bongo n'avait pas été bien élu, et nous on l'a très bien reçu, parce que c'est la vérité. Les investigations de M. Pierre Péan sont également les bienvenues, parce que nous voyons effectivement que c'est ensemble qu'on pourra renverser ces dictatures. Et la France, qui a encore une grande influence en Afrique centrale, doit nous aider, parce que on ne peut pas véritablement, contrairement à ce qui s'est passé en 1789, ici en France, on ne peut pas se libérer seul parce que le pouvoir est ultra-militarisé, en fait. Est ultra-militarisé et est prêt à tout et même à des bains de sang. On voit ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, dans le Pool, où effectivement il y a eu un massacre à grande échelle. Et nous craignons également la même chose pour le Gabon. Donc voilà un peu à quoi nous en sommes. Je vais rebondir là-dessus en disant que c'est important que on s'exprime et que je m'exprime avec Yannick là sur ce sujet, parce que pour resituer les choses, au Cameroun est l'épicentre de l'Afrique centrale. Ça veut dire que si au Cameroun vous arrivez à bouger les choses, le Gabon à côté a de fortes chances aussi de bouger. C'est pourquoi on insiste sur le Cameroun en disant aussi que les populations ne sont pas résignées. Je vous ai parlé de Vendredi Noir, et depuis des mois, on aurait dû avoir ce que vous avez peut-être dû entendre, ce qui s'est passé au Congo et ce qui s'est passé au Tchad dernièrement, c'est-à-dire qu'ils anticipent des élections, au mépris de la constitution qui est la leur. Hein. Ils anticipent des élections, ils vous fixent une date d'élection à laquelle ils savent très bien que ce n'est que... Et ils poussent même le bouchon plus loin, c'est qu'au moment de la tenue de l'élection, on ferme toute possibilité d'avoir des réseaux de communication Internet. C'est ce qui est arrivé au Congo dernièrement. Congo a eu 2 semaines sans Internet, accès Internet, Twitter. Il n'avait pas ça. Ça donne la possibilité à la personne de faire ce qu'il veut et de vous. Mais l'important, quand on est sur des places comme ça et sur des mobilisations collectives comme ça, c'est d'informer les Français, le citoyen français, quelle que soit son obédience politique, sur ce qui se passe dans ces pays. Que parfois, lorsque vous voyez des Camerounais, des Gabonais, vous dites, mais c'est une aberration que ces gens, avec toute la formation qu'ils ont, tout le potentiel qu'ils ont, ils ne sont pas dans leur pays respectif. C'est effectivement des aberrations parce qu'ils viennent des pays potentiellement riches. dans tous les sens du terme. Mais simplement, il y a un verrou. Il y a des verrous qui doivent sauter. Les verrous qui doivent sauter sont des verrous politiques. Ce sont des potentats qui ont été installés avec la complicité de la France et dont les gouvernements respectifs qui s'installent, tous les locataires respectifs qui s'installent à l'Élysée, suivent la même doctrine qu'on appelle la doctrine Focard, qui consiste à remettre Ali Bongo quand c'est pas Omar Bongo, ce sera Ali Bongo et les autres. Au Cameroun, nous disons, ça suffit. Ce qui fait qu'il a voulu anticiper l'élection, comme l'a fait Sassou Nguesso et les autres, mais à cause de vendredi noir, il hésite. Il hésite. Mais vous avez cette singularité qui est un peu bizarre, que vous avez des chefs d'État qui jouent à cache-cache avec leur peuple. Ils cherchent le bon angle. Quand est-ce qu'il va ? Peut-être en pleine nuit, à 2h du matin, comme quand il condamne ses prisonniers politiques, faire la révision et l'élection qui s'ensuit. Donc on veille, nous veillons, nous passons nos nuits à veiller sur le net, sur Facebook, sur le reste. Et on aimerait que la plupart des gens soient informés de ce qui se passe, parce que c'est par la marginalisation que les dictateurs tombent. C'est-à-dire que lorsque Sassou Nguesso, malgré l'élection qu'il s'est arrogée, on l'a marginalisé, la France a été incapable de reconnaître son élection comme le fait souvent le Quai d'Orsay officiellement. Et aujourd'hui, il est marginalisé, ce qui fait que la plupart des investisseurs qui traitaient de visu avec lui n'osent plus aller au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Et il est en difficulté. C'est ce que nous voulons. Quand on vous informe, de dire, d'émietter l'information auprès de vous en disant, vous savez, lorsque vous voyez tel Camerounais, quand vous voyez tel Congolais, quand vous voyez tel Gabonais, il n'est forcément pas là. Parce qu'il le veut, mais c'est parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'être là. Je vous remercie. Est-ce qu'il existe certaines formes de luttes armées dans ces deux pays-là ? Oui. Il existe des luttes armées. Il y a eu au Cameroun, la singularité du Cameroun, parce que là, l'histoire est différente du Gabon, c'est que le Cameroun est un pays... comment vous dire ça, c'est comme on dit toujours le Cameroun, l'Afrique en miniature, qui est en fait le produit de toutes les cultures et de toutes les peuplades d'Afrique qui se sont retrouvées en Afrique centrale dans un seul pays. Et il y a eu au moment des indépendances, ce qu'on a dit des indépendances africaines dans les années 60, en fait le Cameroun a la même particularité que l'Algérie, c'est que quand l'Algérie se battait contre la France, le Cameroun aussi, les nationalistes camerounais se battaient contre la même France. Donc, vous avez déjà eu ce combat-là qui a été tué jusque dans les années 70. Les gens se battaient encore dans le maquis camerounais contre les soldats français. Et vous avez peut-être, certains d'entre vous, il y a des livres qui sont sortis dessus pour vous expliquer ce que... C'est d'ailleurs pourquoi, quand vous voyez parfois les Camerounais, ils ont cette attitude un peu, revendicatrice à chaque moment qu'ils ont un rapport avec la France, parce que c'est un dossier qui n'est pas fermé. Les morts ont été tués. On n'a pas reconnu la valeur des héros de l'indépendance. Et même le combat qu'ils ont fait a complètement été retourné contre eux au moment où l'indépendance a eu lieu, parce qu'on les a un à un liquidés pour installer des larbins au pouvoir. C'est ce qui s'est passé et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, les luttes armées et l'autre volet aujourd'hui, c'est que... qui est terrible, parce que en même temps la pluralité et la richesse camerounaise fait que à chaque fois la dictature sait s'arroger, sait manipuler les choses de telle sorte que il y a un combat actuellement que livrent les pays d'Afrique centrale contre Boko Haram. Et contre Boko Haram, c'est pas seulement le Cameroun qui est touché, c'est d'abord le Nigeria, c'est une guérilla qui vient du Niger, un groupe terroriste qui vient du Nigeria et qui a sécrété toute la zone du lac Tchad. Cameroun, Nigeria, Niger et tous les pays autour du lac Tchad souffrent du même problème. Mais au Cameroun, on a cette singularité, ce que n'a pas fait le Nigeria, c'est qu'on a sécrété une loi liberticide. Ça veut dire quoi? C'est que la loi a été adoptée à l'Assemblée sous l'instigation du dictateur, qui fait qu'aujourd'hui, une manifestation comme celle-ci est impossible au Cameroun. Parce que si on se réunit, ça voudrait dire que nous sommes potentiellement taxés de terroristes potentiels. C'est sous cette loi-là que la plupart des opposants aujourd'hui sont réprimés au Cameroun. C'est ça que je veux vous faire comprendre. La plupart des opposants et des journalistes. D'ailleurs, il y a un reporter de RFI. RFI est en train de demander à ce qu'un de ces reporters qui est séquestré par le régime soit soit libéré sous le coup de cette loi-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur simple opposition, je risque de me faire interner et peut-être perdre ma vie sous le coup d'une loi qui est liberticide, qui est soi-disant faite pour se battre contre Boko Haram, mais en fait n'est pas faite contre Boko Haram et en fait dirigée contre des Camerounais qui oseraient s'en prendre ou s'opposer au régime en place. C'est ça aussi la réalité. Oui, donc pour répondre, pour essayer de répondre à ta question, en fait, il est important de rappeler et de souligner que la guerre, quand on l'a fait, ne profite pas souvent au peuple. Et il est très important de comprendre qu'aucune guerre n'est bonne, en fait. Je suis un pacifiste et Joël également. Et au Gabon, nous avons une approche de la paix qui nous amène véritablement à hisser nos institutions au-dessus, parfois même de nos propres désirs personnels. C'est une particularité peut-être du Gabon. On l'a vu, contrairement au Cameroun, avec le premier président Léomba, qui, au moment de l'indépendance, avait souhaité la départementalisation, qui avait choisi la départementalisation plutôt que l'indépendance du pays. Pour lui, il estimait effectivement que le pays n'était pas suffisamment prêt pour accéder à l'indépendance. Maintenant, le cours des choses, la décision du général de Gaulle d'accorder l'indépendance à toutes les anciennes colonies françaises s'est faite plutôt rapidement et de manière systématique. Mais ce que nous disons, c'est que depuis 1960, le Gabon n'a expérimenté aucune forme de guerre. Et si nous n'en sommes peut-être pas arrivés là, c'est bien sûr également, comme le soulignait Joël, à cause, peut-être pas, mais grâce à la France. Parce qu'on se souvient qu'en 1990, lorsqu'il y a eu des émeutes à Port-Gentil, Port-Gentil c'est la capitale économique du Gabon, et ben, l'armée française, qui a en fait une base au niveau de Libreville, donc la capitale du Gabon, a dû intervenir parce qu'il y avait des ressortissants français et ben, qui en fait étaient sous la menace en fait, de certains mutins. En fait. Donc voilà, mais tout cela c'est pour dire tout simplement que la paix ne peut pas véritablement être, autocentrée. En fait, la paix est suscitée, la paix est intersubjective en fait. Ça veut dire que pour vivre en paix, on a besoin d'abord de le vouloir. Et après le vouloir, eh ben, il faut véritablement le manifester en acte. Et le Gabon, c'est peut-être une exception en Afrique, mais nous pensons qu'au-delà effectivement des clivages politiques, au-delà des différends, eh ben, il y a d'abord un intérêt commun à défendre, c'est celui de l'humanité. Tout gouvernement est perfectible, aucun gouvernement au monde n'est parfait. Mais nous estimons qu'aucune vie humaine ne doit être sacrifiée sur l'autel en fait, des intérêts politiques. Voilà, c'est un peu ça la vision que nous avons. Et nous estimons que c'est effectivement en défendant les droits de l'homme, en défendant de manière pacifique, en réclamant également de manière diplomatique, parce que la diplomatie doit être mise en branle. Nous savons que beaucoup de choses, Joël le disait, qu'il y a des prisonniers politiques franco-camerounais pour lesquels on a lutté et qui ont été libérés grâce à l'intervention de M. Hollande. Ça veut dire que M. Hollande, effectivement, peut également, en ce qui concerne les droits humains, en ce qui concerne effectivement en fait, la défense des libertés publiques, peut intervenir en fait, au niveau de l'Afrique. Et pour le cas du Gabon, nous lui en sommes reconnaissants parce que tous les chefs d'État français, après leur élection, eh ben, allaient systématiquement saluer le président gabonais. Mais M. François Hollande est une exception et nous en sommes ravis parce qu'au moins cela montre qu'il y a une évolution dans, en fait, la conception des relations franco-africaines et nous espérons que effectivement ça pourra aller plus loin. Bien sûr, quand les militaires interviennent, il y a bien sûr des dégâts. Plein de gens vont être battus et peut-être tués. Est-ce qu'un militaire tuera son frère ou son fils? C'est une question assez complexe parce que le militaire, dans les sociétés comme les nôtres, où je ne parlerai pas au nom du Gabon, mais au Cameroun particulièrement, C'est qu'il faut comprendre que dans des sociétés, dans des dictatures, il s'installe une bourgeoisie militaire, une oligarchie militaire. Parce qu'un pouvoir fort, un régime fort, s'allie toutes les formes, de toutes les forces qui peuvent contribuer à ce qu'il reste le plus longtemps. Au Cameroun, les militaires, quand vous dites militaires, est-ce qu'ils peuvent tuer le frère ou le fils? C'est même une donnée qui n'est pas envisageable. Parce qu'il faut comprendre quand même qu'au Cameroun, nous sommes dans un pays où un sergent touche 3 fois mieux qu'un professeur d'université. Pour vous dire le degré de marginalisation de la société normale. Un militaire, un sergent de l'armée camerounaise aujourd'hui touche 3 fois plus qu'un professeur agrégé d'université. Donc ça veut dire que le dictateur a réussi à se faire, à mettre l'armée dans sa main. Et donc ceux qui vont au front, en fait, ce sont pas les familles des militaires. Ce sont souvent, on le voit par rapport à la lutte contre Boko Haram, ce sont souvent des jeunes recrues qui sont souvent dans l'oisivité, qu'on forme rapidement et qu'on envoie au front. Ce n'est pas l'armée au sens carriériste du terme. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, pour le cas du Gabon, c'est différent. Et on peut effectivement constater que la plupart du temps, et je serai très court là-dessus, les membres de la garde rapprochée du président de la République sont la plupart du temps issus de son ethnie, en fait. Voilà. Donc, il y a une ethnicisation de l'armée, de telle sorte que les militaires ne sont plus effectivement au service de la République, au service effectivement de la défense du bien public, mais ils sont là simplement pour défendre les intérêts d'une ethnie. Et c'est cette image-là que la plupart des présidents africains ont donné de la garde républicaine, en fait. Donc, ceux qui sont au niveau de la garde républicaine sont la plupart du temps et à plus de 80% issus de l'ethnie du président. Et je voulais compléter sur la question précédente par rapport à la question liée à la paix. Si au Gabon, ils sont à 1 million ou 1 million 5 d'habitants, cette question n'est pas encore prégnante. Au Cameroun, nous commençons à nous poser cette question. Est-ce que le Cameroun de l'après-Paul Biya sera un pays en paix? Parce que il y a eu ce que j'appelais il a cannibalisé en fait toutes les institutions, qui fait que aujourd'hui, quand vous avez ce processus où les institutions sont complètement émiettées par le repli tribal, c'est-à-dire qu'ils nomment pas en fonction de vos compétences, mais en fonction de votre appartenance à telle ou telle ethnie, telle ou telle tribu, telle ou telle région, et de l'allégeance que cette région a à son pouvoir. Vous imaginez, en 34 ans, ce que ça peut générer comme frustration, parce qu'il y a des générations qui sont 3 générations au Cameroun. Quand on met la génération à raison d'une décennie, ça fait 34 ans, il y a au moins 3 générations qui sont sacrifiées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on aborde la question de l'après-Paul Biya, parce qu'il ne veut d'ailleurs pas désigner un dauphin ou commencer à penser à l'alternance, c'est un sujet tabou au Cameroun. On n'ose pas imaginer ce que ça serait le jour où il va s'éteindre. On fait des boutades en disant souvent, peut-être qu'ils vont le maintenir sous formol dans le palais, parce que ça devient un vrai problème préoccupant. Le jour où on va annoncer sa mort, des fiefs se sont constitués, des gens qui ont des moyens, qui va accepter que l'autre accède au pouvoir et pas l'autre? C'est ça la donne aujourd'hui. Et quand nous appelons les institutions internationales, et notamment la France, qui est l'un des principaux partenaires du Cameroun, à veiller sur ce processus, c'est pas tant qu'on lui demande d'intervenir. On lui demande simplement de faire respecter l'esprit des institutions, l'esprit apparent des institutions, qui veut que lorsqu'il y a vacance du pouvoir, on puisse procéder à 60 jours après à des élections, ainsi de suite. Nous ne sommes plus sûrs de ça aujourd'hui, parce qu'il y a un processus d'accaparement du pouvoir par la famille du président de la République et ses obligés, qui fait que nous ne sommes pas sûrs, dans un pays comme le Cameroun où il y a 250 ethnies, Nous avons 250 ethnies. Sur ces 250 ethnies, nous avons en plus eu un héritage colonial qui est de trois pays, en fait. Il y a d'abord eu l'Allemagne, il y a eu l'Angleterre, et après, la France n'est venue pas comme puissance coloniale. La France est venue sous protectorat, en fait, lorsque l'Allemagne a perdu la guerre. L'ONU a désigné la France pour être... Vous imaginez donc ce que ça a sécrété en termes de repli, en termes d'identité et de foisonnement de cultures. Ce qui nous rassemblait jusque-là est en train de voler en éclats. Et nous nous posons aujourd'hui la question du Cameroun de l'après Paul Biya, pas parce que lui, il veut que après lui ce soit le chaos, mais simplement nous appelons nos partenaires en disant « Faites pression à ce qu'un homme de 84 ans arrive quand même à organiser, respecter l'esprit des institutions, organiser l'après lui. Parce que nous ne voulons pas qu'après lui, ce soit le chaos. Et nous, nous acheminons vers ça, malheureusement. Oui, en fait, c'est deux questions en même temps. Je voulais savoir comment pouvait, du coup, circuler l'information, voilà, pour un petit peu repolitiser, finalement, autant au Cameroun qu'au Gabon. Quels moyens vous avez pour transmettre l'information, surtout est-ce que Internet vous aide pour ça? Est-ce que tout le monde a accès à Internet? Donc voilà, c'était ces deux questions-là. Est-ce que le virtuel peut vous aider pour transmettre ces informations? Et sinon, quel autre moyen vous avez? Effectivement, on a l'avantage que nous vivons dans notre monde entre guillemets intégré aujourd'hui, c'est la force de la communication. C'est-à-dire que ce que nous faisons là, lorsque on va le publier sur le site d'un de nos organisations, c'est relayé immédiatement par des Camerounais sur place, y compris dans les villages. Et vous ne pouvez pas imaginer la force de l'image, parce qu'une dictature n'aime pas qu'on parle d'elle. C'est ça, en fait. Il faut comprendre que jamais Paul Biya n'a voulu que sur la place de Paris, on puisse évoquer y compris son nom. Tant qu'on ne parlait pas de lui, ça allait. Mais du jour où on se met à parler de lui et que des Camerounais, parce qu'on est dispersés dans le monde, partout où vous irez, vous allez trouver des Camerounais qui sont bien installés, ont pris le relais dans des réseaux sociaux, ils surveillent les réseaux sociaux du matin au soir. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce que j'écris, y compris sur ma page Facebook, est immédiatement relayé. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est la première force aujourd'hui. Après nous avoir traité d'apprentis sorciers, c'était ces mots, hein. Il traitait des gens qui allaient sur le net d'apprentis sorciers. Il s'est rendu compte finalement qu'on avait une telle force que lui-même s'est rangé, a aussi créé sa propre page Facebook. Mais bon, c'est la force en fait. C'est pour vous dire que ce que vous faites est très important lorsque vous relayez les informations. Le simple fait de relayer les informations que vous apprenez sur le Cameroun, c'est déterminant. Parce qu'ils suivent, ils ne veulent jamais qu'on parle de ce qui se passe sur place. Dès qu'on met le Cameroun ou le Gabon à la connaissance du français moyen, pour eux, ça devient problématique. Pourquoi ça devient problématique? Parce que jusqu'à des années récentes, tout ce qui se passait en Afrique subsaharienne se gérait en petits comités. Vous aviez la cellule Afrique de l'Élysée, vous aviez quelques radios qui parlaient de ça, et de temps en temps on en parlait lorsque des défilés d'immigrés ou de sans-papiers se produisait à Paris, sans qu'on ne vous dise la substance ou les raisons véritables pourquoi un Gabonais ou un Camerounais ou un Nigérian ou un tas de ça se retrouve sans papier en France, ce qui est une aberration. Donc maintenant, on en parle, on le voit et on peut interpeller, y compris, ils ont d'ailleurs une difficulté aujourd'hui, Paul Biya, une difficulté singulière, c'est qu'il a même du mal à venir à Paris aujourd'hui. Il préfère aller en Suisse, mais il a du mal à venir à Paris parce que vous avez des groupes d'activistes camerounais qui prennent le relais, ils n'interviennent pas simplement sur le net. C'est qu'on a une démarche, c'est de le marginaliser au maximum. Et lorsque vous le marginalisez par l'information, il n'agit plus. Il se referme sur lui, pas tant que ça. Quand bien même il se referme sur lui, il a besoin de la France parce que la France sert souvent de courroie de reconnaissance pour ces régimes-là auprès des institutions internationales. Lorsque le Cameroun négocie pour sa dette dans n'importe quel club de Paris ou ailleurs, c'est la France en fait qui lui sert de courroie de transmission. Et ça, il faut intégrer ça. Donc on va prendre une dernière question et je vous laisserai y répondre et conclure. Merci. Alors justement par rapport à la France, je vais revenir sur un exemple que je ne connais pas forcément beaucoup, mais l'exemple de la Côte d'Ivoire où la France avait aidé à installer Alexandre Ouattara et à emmener l'ancien président dont j'ai oublié le nom à la Cour pénale internationale de La Haye. Est-ce que vous soutenez entièrement ce que la France a fait ici ou partiellement, ou est-ce que vous êtes vraiment critique sur cette intervention française ? Je rappelle déjà que le problème de Alassane et la France l'a pas installé. Il a gagné les élections et Laurent Gbagbo a refusé de quitter. Et c'est à travers justement, c'est à travers l'ONU, c'est l'ONU qui a imposé. Et la France a intervenu sous l'égide de l'ONU. Maintenant, moi, mon souci maintenant se trouve à quel niveau. Si nous, en tant qu'Africains, on n'arrive pas à régler nos problèmes entre nous et qu'on veut que les puissances coloniaux viennent nous aider, est-ce que c'est pas toujours le même problème qui se reconduit? Déjà, quand les États n'ont que des intérêts. Lorsque la France va venir vous aider, la France pense à ses intérêts. Et si la France nous aide à avoir la démocratie, les personnes que la France va installer, la France attend en retour de ces personnes des retombées. Et que si ces personnes refusent, on revient encore au même dictateur. Donc il faut que nous-mêmes, on règle nos problèmes. On n'a pas besoin de demander aux Français. Nous sommes assez bien formés. Nous sommes assez bien formés pour pouvoir savoir que, au lieu de venir demander l'aide, essayons déjà à former nos enfants, aller jusqu'au moins en terminale pour pouvoir faire le bien et pour pouvoir discerner. C'est le plus important, c'est ça. Et on n'a pas besoin de prendre des armes pour ça. Il faut se sacrifier. Les Européens se sont sacrifiés pour les enfants et nous, en tant qu'Africains, on refuse de se sacrifier pour nos enfants. On veut directement avoir le bénéfice de tout ce que nous aimons. C'est pas comme ça la vie. Je vais d'abord répondre. Alors, pour rapidement répondre à la dernière intervention. Il faut comprendre qu'il existe, un concept qui est très utilisé, c'est celui du droit d'ingérence, en fait, qui a été effectivement utilisé pour la première fois par Bernard-Henri Lévy, en fait. Voilà. Donc c'est un mot qui est déjà très utilisé dans, en fait, le concert, bien sûr, des relations internationales. Et nous pensons effectivement qu'aucun pays, et ça ne s'est jamais fait, ne s'est développé par lui-même, en fait. Arrivé à l'autodétermination, je parlais, en fait, disons, d'une... En fait, il est très important que nous comprenions que lorsque la France... Je suis professeur de lycée, mais je me rends effectivement compte que, même à l'école, il y a, il y a véritablement un esprit républicain qui amène véritablement les enseignants que nous sommes à, disons, ne pas considérer, les apprenants comme en fait des sujets, mais comme des acteurs de leur propre accès au savoir. Et il en est de même également dans, en fait, le domaine des relations internationales. Nous avons un retard démocratique dans notre pays qui est véritablement abyssal. Et la France et les États-Unis et tous les pays africains, et même le Sénégal également, peuvent véritablement contribuer à en fait, susciter l'élan démocratique dans un pays. Mais ne soyons pas toujours dans, en fait, l'opposition systématique entre, disons, anciennes puissances coloniales et, en fait, pays colonisés, parce que sinon, à la fin, on ne se retrouve pas. Imaginez un peu le cas du Rwanda. Que s'est-il passé au Rwanda? Que s'est-il passé au Burundi? Pourquoi y a-t-il eu effectivement des exactions de plus de millions, près de 3 millions de personnes? Mais c'est parce que tout simplement, il n'y a pas eu une ingérence. Parce qu'aucune puissance occidentale n'a eu le courage effectivement de taper du poing sur la table pour que les exactions cessent. Moi je pense que lorsqu'il y a incompréhension, la communauté internationale est faite de telle sorte qu'elle arrive, avec les mécanismes qui sont mis en place, à susciter véritablement la démocratisation, à susciter la pacification. Parce que ce que nous, Africains, et c'est là ma conclusion, je voudrais vraiment que nous sortions de l'image de l'Afrique société guerrière, en fait. C'est-à-dire qu'il est très bien de dire que oui, nous voulons effectivement que les Africains puissent régler leurs problèmes entre eux-mêmes, mais c'est un mythe, monsieur. C'est un mythe, c'est en fait une utopie. Parce que la preuve, je parle ici par expérience, la preuve est que lorsqu'il s'agit véritablement de parler de démocratie, mais pensez-vous véritablement qu'au Cameroun, lorsqu'il y a des personnes qui ont en fait payé de leur vie, de payer de leur temps pour soutenir un monsieur comme Paul Biya, et qu'après ils soient envoyés en prison sous prétexte qu'ils auraient détourné des deniers publics, vous pensez véritablement que ici c'est juste? Moi je pense que le véritable problème de l'Afrique, ce n'est pas une question véritablement d'occidentaux, ce n'est pas en fait un problème d'afrocentrisme. Le véritable problème de l'Afrique, c'est la justice. Dès que véritablement chaque Africain, qu'il soit de l'opposition ou même de la majorité au pouvoir, comprendra que la vie humaine vaut au-delà de nos intérêts égoïstes et personnels, je pense que nous aurons déjà fait véritablement une grande avancée. Respectez la vie humaine, monsieur. Respectez la vie humaine. Pour terminer, et je vais être beaucoup plus rapide et direct que Yannick. Moi, je suis originaire du Cameroun, Yannick du Gabon. Vous savez, au Cameroun, moi, mes arrière-parents et grands-parents ont combattu la France, ont combattu l'Allemagne nazie. Donc, en termes de sacrifice, vous savez, on ne peut pas nous la faire tout le temps en disant « Mais les Africains, vous ne vous battez pas, vous ne vous sacrifiez pas pour arrêter ce discours où le panafricanisme est complètement édulcoré et aujourd'hui récupéré par des réactionnaires et des faux nationalistes qui veulent en fait opposer des identités, ce qu'ils appellent des races, parce que la race n'existe pas. Les problèmes africains sont des problèmes internationaux. Ce sont des problèmes universel. Nous ne pouvons pas dire parce que tel chef de l'État s'accapare du pouvoir et tue ses propres concitoyens que ça ne concerne pas le Français qui se trouve sur la place de la République. Nous sommes des hommes. À partir du moment où nous acceptons que nous faisons partie de la même humanité, et le Français qui est nos voisins ont le droit de mettre leur mot à dire dans ce qui se passe au Cameroun à partir du moment où nous faisons partie de la même humanité. C'est ça notre discours. Je ne suis pas venu sur cette place pour demander à la France d'intervenir au Cameroun. J'ai en moi le sang qui coule dans mes veines est un sang de nationalistes camerounais. Des gens qui se sont sacrifiés pour l'indépendance du Cameroun. Mais jamais je ne mettrai la France à dos sur le prétexte que je veux s'éterniser un régime qui est un régime dictatorial sanguinaire et crapuleux sur le dos de mes propres concitoyens ou sur le dos de ceux qui mendient en France avec des licences, des maîtrises ou des troisième cycles. C'est ça qu'on voulait vous faire croire. Donc les combats africains du Gabon, de la Côte d'Ivoire, puisque vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, ce sont des problèmes qui concernent toute l'humanité. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à cohabiter. Nous sommes appelés à nous rencontrer. Malgré les barrières, nous allons nous rencontrer, nous allons cohabiter et nous allons vivre ensemble. C'est ça que nous sommes venus défendre cet après-midi. Je vous remercie. Je vais rapidement terminer pour vraiment rebondir. Le plus important, c'est de savoir à quel niveau les idées égalitaires sont dans nos sociétés. Parce qu'on a bien vu, vous parlez ici de la de la fin de la mainmise de certaines puissances occidentales sur l'Afrique. C'est peut-être un sujet qui peut être abordé dans un cours de sciences politiques, mais nous sommes ici dans la rue et on doit transmettre des idées neuves, des idées égalitaires. Quand on regarde par exemple le cas de la Révolution française, on a vu par exemple l'abbé Grégoire qui a défendu véritablement la régénération de la société française par la réinsertion des juifs et des noirs dans la société française. Les principaux acteurs de la Révolution française n'étaient pas forcément des Noirs. Et en fait, je pense même qu'il y en avait très peu. Donc je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'égalité. Où en sont véritablement les idées égalitaires dans nos pays? Est-ce qu'on pense véritablement que, pour parler du cas de la Côte d'Ivoire, selon que l'on soit Bété, selon que l'on soit Djoula, selon que l'on soit Baoulé, est-ce qu'on est placé à la même enseigne? C'est là la question. Et je pense que vous aurez l'occasion d'y répondre. Merci Joël et Yannick. Donc on peut vous retrouver à la commission Cameroun Debout, hein, à l'autre bout de la place. On pourra retrouver cette intervention qui a été enregistrée sur notre site educpopdebout.org ou sur notre page Facebook Debout Éducation Populaire.